tout d'abord merci à l'ensemble des intervenants d'avoir accepté de participer à cette journée d'études. Je vais faire une brève introduction. Et pour introduire la journée, je vais revenir un instant sur comment nous l'avons progressivement élaboré. En fait, ce projet a connu un double point de départ, avec d'abord un dispositif qui, depuis plusieurs années, c'est à la fois accueillir, mais aussi encourager ce type de manifestation. Je parlais du GDR économie et sociologie. Le GDR permet notamment d'entretenir par l'interdisciplinarité le pluralisme en économie. Et le pluralisme en économie, c'est en fait le mot d'ordre d'une association créée récemment, l'Association française d'économie politique, qui repose quant à elle la question des frontières disciplinaires et du redécoupage de la discipline économique elle-même. Donc par ces journées, avec le concours du GDR et de la FEP, nous avons voulu d'abord à la fois illustrer et interroger l'équilibre entre unité et diversité dans le dialogue entre les disciplines. Second point de départ, c'est la présentation d'un par Cyril Lemieux en octobre dernier au séminaire convention de son livre intitulé « Le devoir et la grâce ». Il s'agit d'un travail très ambitieux qui propose un cadre théorique général pour les sciences sociales, peut-être même pour certains trop ambitieux, qui l'invite à renouer avec une visée universaliste. Mais cette ambition est bien justifiée par le diagnostic de ce qui est en train de se jouer, là encore pour l'ensemble des sciences sociales, autour de l'alliance entre sciences économiques et neurosciences. Face à ce mouvement, renoncer à toute visée de théorie générale serait laisser la place entièrement libre pour ce projet bien particulier. Et retrouver, à l'inverse, la visée d'une théorie générale interroge directement le rapport des différentes disciplines à des options métaphysiques fondamentales, en particulier à l'anthropologie et à la philosophie politique. C'est, il me semble, sur la base d'un diagnostic similaire, mais fait depuis l'économie, avec une ambition théorique tout aussi forte, que Frédéric Lordon propose aujourd'hui de voir dans le traité politique de Spinoza la matrice d'une théorie générale des institutions, et de voir dans son concept de connectus la pièce anthropologique élémentaire pour rebâtir une théorie d'action en dehors du paradigme du choix rationnel. La philosophie de Spinoza, elle est également mobilisée dans le devoir et la grâce, ainsi que par Christian Lazévé, que nous entendrons cet après-midi, mais de manière en quelque sorte plus localisée, ces deux dernières. Et la question qu'on peut se poser, face à ces usages, avec le travail de Frédéric Lordon en tête, est de savoir dans quelle mesure il est possible de mobiliser un concept aussi fort que le connectus, par exemple, sans rapatrier par la même tout ce que charrie cette philosophie. La philosophie de Spinoza ici, y compris ses options les plus radicales, je pense à son déterminisme intégral et son anti-humanisme théorique. Donc c'est avec ce début d'interrogation et de projet que j'ai sollicité le concours de la revue Tracé, qui depuis bientôt 10 ans offre un espace de discussion remarquable entre disciplines en réservant une bonne place à la fois à la philosophie elle-même et à des interrogations extérieures de la philosophie. Là, on peut mentionner trois numéros récents que je vous recommande la lecture sur la violence, les institutions et également le pragmatisme. Ici que Cécile Laverne et Guillaume Calafa ont fait le plaisir de s'associer à ce projet en apportant le savoir-faire de Tracé, deux regards disciplinaires différents, ceux de l'histoire et de la philosophie, et également d'autres références pour développer la thématique de cette journée. Je pense en particulier dans nos discussions, ce qui était important, c'était les références de livres récents sortis, notamment le livre de Jean-Louis Fabiani, « Qu'est-ce qu'un philosophe français ?», et également celui de Jocelyn Benoît, « Concept, introduction à l'analyse ». Et tout cela aboutit alors à un élargissement décisif du schéma de départ, qui a consisté à compléter les deux propositions de théorie générale à partir desquelles nous commençons ce matin, par un troisième paradigme qui s'est en fait assez naturellement imposé. Ce paradigme, celui de la reconnaissance et la question d'identité, identité individuelle et sociale, qui le renouvelle. Ce paradigme s'est assez naturellement imposé, car il est aujourd'hui au cœur de nombreux débats, aussi bien pratiques que théoriques, qu'il maintient tout en s'en démarquant un dialogue étroit avec la théorie du choix rationnel. Il a également été ravivé par une personne qui est à la fois philosophe et sociologue, je parlais d'Axel Honneth, et qu'il est autant travaillé aujourd'hui par des philosophes que par des non-philosophes. Donc cette thématique de la reconnaissance est aujourd'hui transversale à différents champs disciplinaires, qu'il s'agisse de la philosophie sociale, de la théorie sociale, de la science politique ou encore de la sociologie politique. Et en France, un lieu important de développement de ce paradigme et le laboratoire Sophia Paul, dirigé par Christian Lazzeri. Christian Lazzeri est spécialiste de la pensée de l'Ops. Il travaille aujourd'hui sur une conception des conflits sociaux comme lutte de reconnaissance, mettant en jeu des motivations relatives à l'identité. Et c'est en grande partie grâce à l'implication de son laboratoire, le Sophia Paul, que nous avons également aujourd'hui l'honneur de recevoir Alessandro Pizzorno, dont les analyses à l'interface entre sociologie, philosophie et théorie sociale ont contribué de manière décisive à la reformulation des rapports entre identité, reconnaissance et intérêt. Donc cet après-midi, nous interrogerons en particulier comment l'attention aux relations de reconnaissance qui intervient dans les conflits sociaux et la constitution des identités crée un espace d'échange et de dialogue fécond entre certaines approches philosophiques et certains travaux en sciences sociales. Alors j'en viens plus rapidement à la deuxième partie de mon introduction, à partir justement de l'avant-dernier chapitre du livre de Jocelyn Benoît, que j'ai déjà évoqué. Ce chapitre, il est intitulé, peut-être au départ un économiste, puis il est intitulé « Flexibilité ». Et il est question, dans ce chapitre, de la mise en mouvement des concepts à l'appui de l'idée de ressemblance de famille de Wittgenstein. Alors, je vais faire un peu court là-dessus. Ce que je souhaite juste souligner à partir de ce développement, c'est que « concept » apparaît partager quelque chose de fondamental avec un autre terme, un autre concept qui intéresse nos intervenants, qui est celui d'institution. Cette chose fondamentale concerne leur aspect dynamique. Institution comme concept contient à la fois un versant objectif ancré dans des dispositifs matériels, des textes ou des règles écrites, et un versant action. L'action fait partie de l'institution, ou du moins la complète, et l'usage fait partie du concept et le transforme. De là, deux choses. D'abord, partout où il y a théorie de l'action, il y a théorie de l'institution. Et au-delà des titres qui mettent plutôt l'accent sur l'un ou sur l'autre, et pour les interventions d'aujourd'hui, on voit un lien essentiel entre ces interventions. Deuxième point, cette précision éclaire la volonté que nous avons eue de compléter ce débat épistémologique sur les usages de la philosophie en sciences sociales par des considérations plus institutionnelles. C'est ce qui explique en fait notre prestigieuse table ronde par laquelle va se clore la journée. Cette fois, il sera question à la fois de circulation d'idées entre disciplines et d'évolution des partitions disciplinaire instituée. Nous reviendrons sur des expériences de dépassement de frontières institutionnelles et interrogerons les stratégies souhaitables à l'avenir, notamment pour rendre plus audibles les constructions originales évoquées tout au long de la journée. Donc là, derrière ça, il y a évidemment également des enjeux politiques, avec notamment le souci de renouveler l'expertise inspirée des sciences humaines et sociales, notamment en matière d'économie. Troisième et dernière partie, je vais être encore plus court ici, en donnant simplement les trois principales directions dans lesquelles nous avons proposé aux différents intervenants de réfléchir pour cette journée. C'est résumé à trois grands ensembles de questions. Le premier, qui est de savoir si la production de concepts appartient en propre à la démarche philosophique. Dès lors qu'on fait de la théorie pure, quelle que soit la discipline à partir de laquelle on parle, est-ce qu'on va sur le domaine de la philosophie? Deuxième question, comment rendre un concept opératoire en sciences sociales? Comment l'opérationnaliser? Et qu'est-ce qui peut faire obstacle à cette traduction empirique? Enfin, troisième élément, ça me directement à l'interdisciplinarité, qui est de savoir si les questionnements épistémologiques en particulier, et philosophiques en général, ne seraient pas le lieu privilégié justement de cette interdisciplinarité. Donc chacun à sa manière, y compris dans la table ronde, va apporter des éléments de réponse à toute partie de ces questions. Et d'un mot, je termine alors en remerciant les différents partenaires de cette journée, et surtout, je souhaite remercier Delphine Montoux, secrétaire du Sophia Paul, pour sa disponibilité, son efficacité dans la résolution de plusieurs problèmes logistiques.